À l'occasion du 72e anniversaire de libération de la patrie, la famille de Novichenko, combattant internationaliste, a fait parvenir une corbeille de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, érigées sur la colline Mansu. La corbeille de fleurs a été déposée le 15 courant devant les statues en bronze.